En partenariat avec le CFMI de Tours, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo présente les séquenzistes. Musique, danse. Moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Feu. Autour du feu. Banni. Seul. Banni. Pourquoi ? Si t'as pas d'amis, prends un curly. La magie peut tout créer. J'essaye. Oh, un marron. Une nouille. mitaine. Par la clé, je la montre au croque-mitaine. Le croque-mitaine me dit: mais vous êtes complètement malade, ça va pas la tête de créer une souris, le temps qui brille dans la forêt, elle va se rebouffer tout de suite. Thank you.